to Overdrive on Radio Dio. Raise your fist! Don't you mean? Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, le groupe Running Wild avec ce Reading for Boarding et cet album et ce morceau Raise Your Fist, sur lequel on retrouve la bande à Rock and Rolf au meilleur de leur forme. C'était un live à Munich enregistré en novembre 1987. Voilà qui ne nous rajeunit pas. Une nouveauté maintenant dans Overdrive, le chanteur du groupe Dragon Force, Mark Hudson, nous revient avec son premier album solo. Ça s'appelle Starbound Stories, pour du metal mélodique et bien entendu assez rapide. Starbound Stories par Mark Hudson, chanteur de Dragon Force. Voilà pour débuter Overdrive. Alone in wonder of what I meant to be, no one before me. The light is fading upon the road of time. Sunrise and sunset rolling the turn of tides, on which I sail. But still the wind blows a raging storm of mind. But out of the shadows 1,000 voices cry, behold your power and never surrender. My eyes turn skyward, I see the twilight's edge. My golden, now is my time. So- Voilà pour Mark Hudson, Starbound Stories, premier album qui voit le jour sur Napalm Records pour tous les amateurs de métal mélodique. The Hellish Joyride, paru sur SPV Records pour les amateurs de Gamma-ray qui en ont un peu assez d'attendre un nouvel album. Ils se délecteront de ce groupe composé des anciens membres de Gamma-ray, le guitariste Andrew Richter en tête. The Unity, ils ont sorti déjà un bon paquet d'albums. Le dernier, The Hellish Joyride, et on s'en voit tout de suite le morceau Masterpiece par The Unity. Day after day, night after night, blood on the brain. Yes, vous venez d'entendre Darken avec ce Near Death Experience, extrait de cet album Welcome to the Light par le groupe français. Donc des influences sur cet album, des influences 90s, années 90, mais une production et puis même une proposition musicale qui se veut résolument moderne et tout à fait pertinente à l'heure actuelle. Ils sortent cet album Welcome to the Light aujourd'hui même et ils sont en train de fêter ça en concert. Donc on leur souhaite le meilleur pour la suite à ces Darken Icon of Scene, 21h55 sur le 895 de Radio Dio. Icon of Scene sort cet album Legends sur Frontiers Records, du heavy metal pur et dur pour ces sud-américains. Là aussi superbe prod et c'est vraiment plaisant à écouter. Icon of Scene. The plans we do in the 22h sur Overdrive Radio Duo, on passe à MNO Music qui sont Octavius Lupus et le morceau Fireball tout de suite Overdrive. Après Octavius Lupus, ce soir dans Overdrive Radio Duo, nous allons faire un retour sur le Motocultor Festival où, avec la Ferro Rock, nous avons organisé un bon paquet d'interviews, donc en compagnie de Radio Pulse. Ce sera Biohazard tout de suite. Je vous laisse en compagnie de Billy Bio et de Evan Senfield. Enregistré en partenariat avec Radio Pulse et Overdrive Radio Duo au Motocultor Festival. Une interview avec les vétérans de Biohazard qui ont compté leur retour inespéré, c'est maintenant. Alors on a la chance d'être avec Biohazard dans la Mystery Machine. Est-ce que vous pouvez vous présenter et votre rôle dans le groupe ? Okay, so we are lucky to have Biohazard in the mystery van, in the mystery machine. The mystery machine from Scooby-Doo. Yeah. Bonsoir, comment allez-vous ? Can you introduce yourself and your role in the band, please? Sure. I'm Evan Seinfeld. I play bass and sing in Biohazard, and I'm Chief Swagger Officer. Alors, bien entendu, je suis Evan Seinfeld, bassiste, chanteur et maître swagger. And I am Billy. I play guitar and sing in Biohazard. Billy Bio and Powerflow. This is not my real voice. Et je suis Billy Bio, et je joue de la guitare et je chante dans Biohazard. You forgot the other ones. Yeah? Billy Bio and Powerflow. Billy Bio and Powerflow. Yeah. Both bands huge in France. Yeah. Alors ça fait un petit moment que vous n'avez pas joué tous ensemble. D'où vous est venue cette idée de reformation? So, you haven't played together for quite a while. Where does this idea of regroup, reunion of a band come from? Our previous manager for most of our career, Scott Koenig, passed away. And I spoke to him on a Thursday night. He was in the hospital. And I was the last person to speak to him, sadly, because he passed away the next morning. And the last thing he said to me was, you should let go of your bullshit with Evan and put the band back together. And I was like, nah, I'm happy with my bands. It's true. And then I saw Evan at the Rainbow in L.A. At Scott's funeral. It was like a memorial for him. And walked up to him and tapped him on the shoulder and said, I wish it was better circumstances, but it's nice to see you. And that was the catalyst for me. Alors, j'ai vu notre ancien manager qui est malheureusement décédé. Et j'étais la dernière personne à lui parler à l'hôpital. Et sur son lit de mort, il m'a dit, vas-y, le passé, c'est le passé avec Evan. Remets maintenant les choses en place et reforme le groupe. Je lui ai dit non, je suis content avec mon groupe. On s'est vu avec Evan au funérail de notre tour manager et on s'est dit ok, on relance le truc. Et est-ce qu'au bout de 35 ans, vous avez toujours autant de plaisir à jouer tous ensemble? After 35 years in the band, do you still have as much pleasure playing together in the band? You know, it's interesting. The only thing really constant in life is change. And for me, I've gone through huge changes in my life. I think I enjoy it more than ever before, personally, because of my own personal journey of consciousness, mindfulness, and being present when I'm being present, you know. But I think in life there aren't always second opportunities or third opportunities. So for me, when the opportunity came back around, I said, I'm only doing this if my heart's in it. So my heart is in it and I love it. It's great. The connection with the crowd is great. I can't wait to see what we will do next. Alors moi, je pense que la seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. On a tous différentes phases dans lesquelles on passe au cours de notre existence. Et en fait, pour dire la vérité, moi, ce que je crois, c'est que j'ai jamais pris autant de plaisir à jouer dans Biohazard que maintenant. Donc, on va continuer comme ça et vraiment faire le maximum que l'on peut autour du groupe. Alors on parle justement de nouveaux plaisirs, il y a encore plus de plaisir maintenant. Qu'est-ce que vous nous réservez par la suite? On parle de rumeurs de documentaires, d'un nouvel album. Qu'est-ce qu'on peut attendre? So you said that you have as much pleasure, you have got more pleasure than before, actually, than ever, really, in Biohazard right now. So what's up? What's next? So there are rumors about documentaries, new albums, what's up? For me, I talk about things I did, not what I'm going to do. I don't like that energy putting out shit like, oh, I'm going to do this, check this out. Mm. So you'll be hearing about all the things that we've been cooking for a while, but they're all great, and it's not the, this is just the beginning. Ok, donc moi ce que j'aime parler c'est de ce que j'ai fait et pas de ce que je vais faire. Donc il y a des trucs qui arrivent, vous allez les voir au fur et à mesure et ça arrive sur le tour. Je pense que vous allez apprécier ce qu'on est en train de cuisiner actuellement. Alors, moi je vous ai vu plusieurs fois en concert, c'est à chaque fois un show extraordinaire. Est-ce que vous avez une bonne relation avec le public français? So, we've seen you several times, and each time it's been like extraordinary live shows. What's your relationship with the French crowds? Ironically, and I'm sure Evan and I have been playing here for years, some great memories from Élysée Montmartre. It's no longer there, right? Yeah. Élysée Montmartre, yeah. And to the Zenith, we played Club Ibis. First time, 1990, and with a band called Mucky Pup. I produce a band from Paris, from France, called the Yard of Blondes, who are some of my closest friends. They live, they just moved from America to back to France. They're called the Yard of Blondes. It's completely different than Biohazard, but an amazing band. They live and work in Monaco and live right over the border in France. Okay. Donc, j'ai que des bons souvenirs de nos concerts en France, que ce soit l'Élysée Montmartre, qui a malheureusement brûlé il y a de ça quelques années, au concert au Gibus, début des années 90, en passant par... Bercy Arena, as well. Le Zénith et l'arène de Bercy. Donc, on a une super connexion avec notre public français. Et également, je produis un groupe français qui vient du côté de Monaco et qui vit juste à la frontière de la France. What's your name again? Sorry. Yard of Blondes. Yard of Blondes? Yes. I also work with several directors that are French, from France, obviously. Okay. Jeremy Thomas, on the last Billy Bio video. We did this, Vincent Walter Jacob, he's the singer of Yard of Blondes. We made this killer video. It's inspired by the scene in Goodfellas where there was a constant shot throughout the whole video. Mm. So the whole video is one continuous shot for 2.5 minutes and obviously made by French blood. So it's a great shot. Ok, donc je travaille également avec plusieurs réalisateurs français. Et avec Billy Bio, j'ai travaillé avec sur différents clips vidéo, et notamment un clip vidéo qui est réalisé par ce Français, qui est constitué d'un plan séquence, donc 2 minutes, 33 minutes, avec un seul plan, là, direct, réalisé par du sang français. Vous avez été précurseur dans votre style de musique. Est-ce qu'il y a d'autres groupes actuellement qui sont dignes d'intérêt pour vous? Okay, so you've been like a precursor in your style of music. Are there bands right now that are, you know, worthy of, you know, the Biohazard heritage? Worthy? I see Turnstile like as the new youth movement in that. There's always got to be a young band carrying that flag. And they seem to have captured the generation of the kids. But we see this in cycles. Billy probably could name a dozen other bands in the same, I don't know, that gets a nod, you know? Mm. Alors, je pense que moi, Evan, je dirais Turnstile, qui est vraiment un groupe qui porte le drapeau et qui a vraiment gardé l'héritage de ce qu'on se fait. Mais je pense que Billy, lui, il doit connaître au moins des douzaines de groupes de ce style-là qui peut citer et qui avec lesquels il va tirer leur chapeau. Eh ben merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes et on vous souhaite un bon concert ce soir. So thanks for your time, really, and we wish you the best for tonight's show. It's gonna be great. It's gonna be kick ass. Fermula. All jokes aside, France has always been like a second home to us. Yeah. We've had nothing but love from France for 30 years. 35. And it was one of our most memorable shows, playing with Mucky Pup at Ibis. Jibus. Jibus. Mm. And I remember we walked into the club and we became really good friends with the guys in Frenchie. What's Frenchie's? In America, you get a nickname by what country you come from. So our first friend from... what was correct. The band? Not correct. No, I'm drawing a blank on him. Kickback. Oh, yeah. Yes. We became friends with them. We played with them for the first time. And somebody told us backstage, this is the first club that the Beatles played in. And we were like, what? And Kiss. It was the CBGBs of Paris. Was it? Jeebus, yeah. Jeebus. Yeah. It was there. The Kiss played there. The Beatles played there. And Biohazard almost broke floor. And they stopped the show because the wooden floor was bending. And they were like, this is a historic building. You don't understand. This is France. We don't, you know, we were like, okay, we keep playing. Thank you for your time, guys. We'll see you guys at the stage. Yeah. Alors, just to make a short translation here. So, alors, on aux États-Unis, on a une relation et puis on a l'habitude de donner un surnom du pays au gars qu'on a l'habitude de rencontrer. Et nous, pour nous, ça a été Kickback, avec qui on a été super potes. Et puis, il faut parler également de notre concert au Jibus et revenir dessus, puisque ça a été un petit peu le CBGB de Paris. Tout le monde a joué là-bas. Les Beatles, Kiss également, et nous, Biohazard. Kiss played Jibus? Yeah, you said that. Wow. And oui, on a presque cassé le sol là-bas. On nous a dit, ouais, c'est une salle fantastique, c'est une salle d'héritage, on ne peut pas faire ça. On a continué notre concert et on a vraiment cassé le plancher. You know, another band besides Yard of Blondes, a favorite band is Gojira. Gojira is fucking kicking ass in America. America welcomed Gojira with as much warmth and love as France has offered us. And that's a great band. I don't know. You know them? Yeah, sure. Yard of Blondes est bien sûr un groupe exceptionnel, mais il y a également Gojira. Gojira, quand ils sont arrivés aux États-Unis, tout le monde les a accueillis à bras ouverts. Et ouais, ce qu'ils font, ça tue, quoi. Thank you. Thank you. We always got yours. Encore une fois, on remercie Biohazard, Downfall Life, extrait de cet album State of the World Address. Superbe interview réalisée au festival Motocultor. Maintenant, on va passer à cet album Through the Looking Glass pour le groupe M.A.T.W. On ne sait pas si les membres du groupe vont sauver le monde, mais en tout cas, ils nous servent là de l'excellente musique avec Save the World. Primordial, maintenant dans Overdrive avec son dernier album en date. Ça s'appelle How It Ends. Ça sort sur le label Metal Blade Records et on espère tout simplement qu'il ne s'agira pas du dernier album de ce génial groupe irlandais Primordial. We'll be right back. reste dans une ambiance moribonde avec Roots of the Old Oak is a Cheating the Hangman tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Et après cette interlude Doom, beaucoup plus direct et rentre dedans, ce sera The Circle par le groupe In et ce morceau Follow the Darkness. Tout de suite sur Overdrive, Radio Duo, il est 22h passé de 40 minutes. D'entendre le groupe Silas's extrait de son dernier album Signs of Things 2, comme paru sur le label Nuclear Blast, tout de suite une influence bien entendu très metalcore. On va passer à du technical death metal, toujours sur Nuclear Blast avec Cryptopsy qui nous sort là son nouvel album, ça s'appelle As Gomorrah's Burn, et on va envoyer ça tout de suite avec la petite douceur pour quasiment terminer l'émission qui s'appellera Godless Deceiver. Say that the children fear. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Duo pour 90 minutes de musique qui pulse. On se quitte au son de Armored Saint. It's a March of a Saint en concert, tout simplement pour se faire un petit plaisir avec un titre culte du heavy metal américain des années 80. Voilà, on rappelle le www.radioduo.org, le www.facebook.com/overdrive-radio-duo, la plateforme Mixcloud pour retrouver les interviews et podcasts des émissions, ainsi que toutes les nouvelles de la radio et d'Overdrive. Merci, ciao, bye bye.